Chapitre 10. Chez le préfet de police. Monsieur le préfet de police est à vous dans un instant, dit l'huissier. Veuillez vous asseoir. Bien, dit Lionel. Il n'attendit pas longtemps. Un timbre retentit. Ce timbre parut actionner un déclic secret qui fit sauter l'huissier de dessus sa chaise, derrière la petite table sur laquelle ce modeste fonctionnaire s'occupait à retourner des enveloppes ayant déjà servi. « Monsieur, » fit-il. Et il ouvrit devant Lionel une double porte capitonnée, comme si cette matelassure n'eût étouffé les hurlements des criminels mis à la question. Lionel avança dans un grand cabinet furieusement administratif. Au milieu, assis à son bureau noir encombré de papier, un vieil homme moustachu, ratatiné, mais au profil remarquablement énergique et dont les prunelles de jet avaient des feux transperçants, téléphonait à voix basse. Il semblait parler à une oreille nickelée. Sans interrompre sa communication murmurée, le préfet de police jeta sur le nouveau venu un de ses regards en coup de dague, dont ses subordonnés ne connaissaient que trop bien la pénétration meurtrière, et, de la main, il fit signe à Lionel de prendre le fauteuil qui se trouvait là, au flanc du bureau, en pleine lumière. Ce petit homme blanc avait été un petit homme roux, rageur de sa nature, et qui, ayant passé sa vie à réfréner ses colères, était devenu au suprême degré maître de soi. Froid, austère, logique, raisonneur, impénétrable, il offrait dans sa mentalité quelque chose d'anguleux et de rectiligne, si bien que sa chevelure drue, taillée en brosse, au carré, paraissait épouser les contours mêmes de son esprit. Il acheva de donner ses ordres téléphoniques, raccrocha sans hâte l'appareil, consulta la carte de visite posée sur son buvard et prononça d'un ton glacial « Monsieur Lionel de Prase ?» Très petit garçon, Lionel bredouilla « Lui-même, monsieur le préfet, de la part de monsieur le président Cordier. » « Oui, » dit le préfet en faisant durer ce « oui » profond et grave aussi longtemps qu'il fut possible. « Et alors, voilà !» reprit Lionel intimidé. Le mince grand dignitaire, encore amenuisé par l'âge, rabougri, parcheminé, voûté, le fascinait sans aucune vergogne, habitué à regarder les gens en face, orgueilleusement fort de sa lucidité et de l'empire qu'il exerçait sur ses semblables, à cause de l'autorité qu'il avait prise sur sa propre personne. « Je vous écoute, » articula-t-il posément. « Monsieur le préfet, » reprit Lionel, « connaissez-vous un homme, douteux, qu'on appelle Freddy la Couleuvre ?»« Après, monsieur, » questionna le préfet sur ses gardes. « Mais c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, monsieur. Rassurez-vous, d'ailleurs, je viens ici non pas en questionneur, mais pour faire œuvre utile, pour rendre service à votre administration, si possible. » « Je n'en doute pas, monsieur. La recommandation qui vous accrédite en fait foi. Vous me demandez si je connais l'individu surnommé Freddy la Couleuvre. Je vous réponds, oui, je le connais. Vous savez qui il est? Son vrai nom, vous ne l'ignorez pas? Je crois le connaître, mais qu'importe. Cet homme vous a-t-il lésé? Avez-vous à vous plaindre de lui? En aucune façon, monsieur le préfet. » « Dans ce cas, je ne distingue pas très bien. » « Monsieur le préfet, j'ai deux raisons de vous parler de Freddy la Couleuvre. La première, c'est que peut-être les agissements de cet apache... »« Oh oh, apache, n'est-ce pas un bien gros mot ?»« Les agissements de ce « garçon », corrigea Lionel, démonté, sont liés à l'explication d'une mort tragique. »« Vraiment ?»« Oui, monsieur. » Celle de ma tante, Madame Guy Laval, décédée dramatiquement à Luvercy il y a 5 ans, dans la nuit du 19 au 20 août. Cette assertion eut pour résultat ostensible, sinon d'impressionner le préfet de police, tout au moins de le surprendre. Un éclair traversa ses prunelles, déjà si étincelantes. Les rides de ses joues eurent un léger mouvement, ce fut tout. À des indications si faibles, on ne pouvait deviner au juste ce qu'il pensait. Lionel, cependant, crut devoir marquer un point. « Mais, continua-t-il, Cela n'est qu'une présomption, et je n'en parlerai pas à d'autres qu'à vous, monsieur le préfet. Je suis une piste. Permettez-moi, jusqu'à nouvel ordre, de me taire là-dessus. » Le préfet, redevenu impassible, acquiesça d'un geste. La seconde raison est, je ne dirai pas plus sérieuse, mais d'un caractère plus urgent. Ici, Lionel de Praz, incertain, se mit à tourner autour du pot. Monsieur le préfet, j'ai une charmante cousine, la fille précisément de cette pauvre madame Guy Laval qui mourut à Luvercy. Or, ma cousine Gilberte est, autant dire, fiancée à un monsieur Jean Mareuil. Que pensez-vous de cela, monsieur le préfet de police ? Jamais regard aussi impitoyable n'avait fouillé l'âme de Lionel. Le vieil homme dit enfin : Veuillez, monsieur, vous expliquer sans détour ni réticence. Je ne vous comprends pas. De plus en plus embarrassé, Lionel reprit les choses autrement. Il y a des situations paradoxales, des faits anormaux, que la police ne peut pas ignorer. Si elle les ignorait, il me semble que le devoir d'un homme renseigné serait de l'avertir. Ah ah ! Si je comprends bien, vous auriez l'intention de me révéler une situation paradoxale, un fait anormal. C'est intéressant. Lionel, placé de la sorte dans la posture qu'il voulait éviter par-dessus tout, laissa percer sa mauvaise humeur et dit assez sèchement « Je ne suis pas un indicateur. Je suis, autant que je sache, un gentilhomme. Il me répugnerait d'en moucharder un autre. Je m'y refuse même. J'aurais voulu savoir, pourtant, si la police est au courant de ce qui se passe, si cette aventure mystérieuse est surveillée. Car enfin, monsieur le préfet, ne serait-ce que pour le bien de mon ami ?» Le préfet de police le regardait patauger. Il sourit, sans que pour cela son vieux visage s'égayât. « Je viens à votre secours, monsieur de Praz, et croyez que je conçois à merveille et les sentiments très naturels qui vous ont poussé vers moi et les scrupules qui, présentement, s'opposent à la libre expression de vos confidences. » « Soyez tranquille, monsieur, les deux noms que vous avez prononcés tout à l'heure nous sont familiers à la préfecture. Nous savons quel rapport, assez extraordinaire en effet, les unissent. Tout ce que vous pourriez nous dire ne nous apprendrait rien à ce sujet, soyez-en sûr. Et, comme on dit, nous avons l'œil. C'est un cas bizarre. Je vous approuve de m'en avoir parlé et je ne saurais blâmer vos inquiétudes familiales. » Laissez-moi vous dire, cependant, qu'à mon sens, elles ne sont pas fondées. Sauf erreur de ma part, M. Jean Mareuil est un parfait galant homme. Ce qui signifie que Freddy la Couleuvre n'est pas un malfaiteur. Le préfet de police prit un temps et poursuivit. Je vous dois toute la vérité. Celui que vous appelez courtoisement Freddy la Couleuvre n'a pas toujours été un honnête homme. Je ne vous dis pas qu'il mène aujourd'hui une existence exemplaire. Il est paresseux. Mais ce « nocturne », n'est-ce pas, fut d'abord l'escarpe qu'on rencontre dans les rues désertes et qui vous demande du feu. N'insistons pas. Qu'il vous suffise de savoir qu'une haute intervention a mis bon ordre à cela et qu'un grand ami de M. Jean Mareuil veille jalousement sur la probité de Freddy la Couleuvre. Grâce à cet allié vigilant et secret qui occupe à Paris une situation enviée, le surnommé Freddy n'ira pas en correctionnel et ne s'assoira pas sur le banc de la cour d'assises, à moins que la puissance étrange des mauvais instincts ne reprenne le dessus, ce que je ne veux pas croire. J'ai lieu de penser, monsieur, que vous voilà tout à fait informé de ce qui vous préoccupait. Mais Lionel, à mi-voix et pesant sur chaque syllabe, « Êtes-vous sûr de ce que vous avancez, monsieur le préfet? Donneriez-vous votre tête à couper qu'il n'y a pas dans le passé de Jean Mareuil, ou plutôt de Freddy, un de ces actes qui envoient leur auteur à la Guyane ou à l'échafaud ?»« Ceci est grave, monsieur de Praz. Dois-je faire venir un secrétaire qui sténographiera votre déposition ?» Lionel étendit vivement la main. « Non pas, dit-il, je vous l'ai confié tout à l'heure, il ne s'agit que de soupçons. » À propos de cette vieille affaire, le drame de Luvercy, vraiment ? Excusez-moi, quand j'aurai des preuves, je vous les apporterai. Jusque-là, mettez que je n'ai rien dit. Je serai toujours à votre disposition. Avez-vous souvent à examiner de ces cas de dédoublement de la personnalité, monsieur le préfet ? Beaucoup plus souvent qu'il n'apparaît, monsieur. Quelques-uns, pour ainsi dire officiels, étiquetés. Beaucoup d'autres occultes. Quel homme est simple, monsieur de Praz ! Notre esprit n'est-il pas le siège d'alternatives qui font se succéder en nous le bien et le mal ? Et tel condamné qui a tué ou volé, n'expie-t-il pas, le malheureux, le seul crime d'avoir été, un instant, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a disparu à jamais, le coup fait ? Vous-même, monsieur le comte Lionel de Praz, jureriez-vous que vous constituez toujours et partout le même personnage ? Si, par hasard, là, tout de go, j'extrayais de ce fichier une série de notes concernant votre deuxième personnalité, qu'auriez-vous à répondre, sachant que, dans le phénomène qui nous occupe, les deux consciences sont presque toujours étanches et ne communiquent pas entre elles ? Lionel s'efforça de trouver la plaisanterie excellente. Mais qu'on lui appliqua, fût-ce par jeu de rhétorique, le double masque de la conscience alternative, cela le remplissait d'ennui. Rien ne pouvait lui être plus désagréable. Et il se hâta de prendre congé. « Adieu, monsieur, lui dit sur le seuil son hôte d'un moment. Ne craignez pas de revenir me trouver si vous avez besoin de moi. Je pense au drame de Luvercy. » Lionel y pensait en même temps et, d'autre part, il se répétait la phrase, lourde d'avenir, du préfet de police. « Il n'ira pas en correctionnel et ne s'assoira pas sur le banc de la cour d'assises, à moins que la puissance étrange des mauvais instincts ne reprenne le dessus. » Il y avait là tout un plan de campagne auquel Lionel de Praz songeait avec une joie diabolique en s'inclinant devant le salut bref et poli du petit vieillard autoritaire.